Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Next Gen Wrestles. C'est Pierre qui parle. Et après un premier Takeover qui avait fait passer le main roster pour les rookies, Takeover 2 ou Takeover Fatal 4-Way, ça dépend de laquelle des prononciations vous voulez choisir, s'avançait avec une grande affiche opposant les têtes d'affiche de NXT et en révélant une nouvelle tête d'affiche. Pour surveiller la prochaine génération de superstars, une bande formée de quatre fiers compagnons se dessine devant vous. Le premier, c'est notre rookie à nous, celui qui doit encore faire ses preuves. Alors, est-ce qu'il sera notre Sami Zayn ou notre Mojo Rawley? C'est Thibaut qui est avec nous. Hey, Chico. How you doing? Ça va, bonjour ouais, à tous, bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le second fait partie d'immeuble et ne cesse de repartir à zéro tel un Tyson Kid à Ségus. Mais je t'emmerde. Voilà, ça c'était gros, attendu. Gros connard. Oh, exagère pas. Tyson Kid au moins il a du talent. Vrai, j'en ai du talent. Oui, tu as du talent à revendre. Tu as le trouvé ce soir. J'ai beaucoup de talent. On remarque ça. Enfin, c'est notre seul père de famille responsable, le seul de ce podcast, c'est Rubenito qui est avec nous. Hola! Comment ça va? Ça va, nickel, nickel. Alors, il y a Bébé qui a fait une petite crise avant le podcast. Hein. Ouais. Voilà, ça va aller. Hein. Il va dormir. Ça va. It's sleep, poop, repeat. Maintenant que la bande est en complet, on peut se diriger vers la Full Sail University pour ce troisième special event de NXT. Et c'est donc parti pour NXT Takeover 2. On commence donc le show NXT avec un match tag team, Lucha Dragons, donc l'équipe composée de Kalisto et de Unico Sin Cara, qui battent le Ascension, qui est composé donc de Connor et Victor, et ils perdent les titres en 7 minutes 48. Alors Rubenito, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je ne suis pas un adepte de NXT, parce que c'est la première fois que je regardais un show entier, j'avais vu quelques matchs par-ci par-là, et donc j'ai bien aimé l'équipe des Mexicains. Kalisto a l'air d'avoir une bonne accroche avec le public, ça marche bien, c'est des bons high flyers. J'ai été un peu déçu par The Ascension sur ce match-là, parce que j'en avais entendu que du bien. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires, je trouve qu'ils ne sont pas très charismatiques. On m'avait dit que genre c'était les futurs Undertaker, j'y crois moyen. Sin Cara, c'est une cure de jouvence pour lui, en tout cas pour le personnage de Sin Cara, parce qu'on sait que Unico à la WWE, c'était quand même des matchs très solides tout le temps. J'ai bien aimé le match en lui-même, il y a des bons mouvements, c'est un bon opener, ça manque un petit peu de stiffness. Gus, est-ce que tu es du même avis? Oui, à peu près sur le match, c'était d'assez bonne qualité. J'aime beaucoup l'équipe composée de Sin Cara et Kalisto. J'aime bien leur theme song. Je voulais surtout revenir sur ce que disait Rubenito, sur le fait que The Ascension, c'était les futurs Undertaker. Alors bon, c'était les futurs Undertaker au début de la nouvelle version d'NXT. Ils ont un petit peu changé de style de personnage, je trouve. On sait très bien que The Ascension, c'est pas des diables in ring, ça on le sait, c'est juste des diables de personnage en fait. J'ai bien aimé les mouvements d'équipe de l'équipe de Lucha Libre. Ouais, non, c'était plutôt cool comme ascension dans ce show. Bravo, Gus. D'ailleurs, on va parler d'Ascension, avec Thibaut. Thibaut, est-ce que tu penses que Ascension, maintenant qu'ils ont perdu le titre, ça veut forcément dire qu'ils vont aller dans le main roster? Je pense tout à fait ça, parce que, à vrai dire, c'est un peu le genre de signe qu'on a avec ce genre de perte de titre. Mais le seul souci que j'ai avec justement l'Ascension, c'est que quand on leur a donné le titre, c'est qu'ensuite, eh ben, ils ont enchaîné que des squash match en fait. Pendant un an, ça a été que des squash match. Le fait de les voir après dans le main roster, bon, peut-être qu'ils vont avoir un impact comme ils ont eu avec la Wyatt Family. D'ailleurs, les avoir avec la Wyatt Family, ça serait cool. Pour moi, je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre de la part de l'Ascension, en fait. Ça commençait à devenir un gros truc, mais ça s'est dégraté il y a quelques temps, en fait. Gus, tu veux réagir? Ce que je voulais dire, surtout sur Ascension, c'est qu'ils ont eu un cruel manque d'adversaires, un petit peu, depuis qu'ils étaient champions. Je n'ai pas le souvenir de... Ah bah, c'est les premiers... Les Lucha Dragons, c'était ses premiers adversaires solides qu'Ascension a eu. sur ce que dit Thibaut sur le fait que The Ascension n'ira peut-être pas dans le main roster. Alors moi, je l'espère qu'ils y ont, même si Ring c'est limité forcément. On a déjà vu qu'on a O'Brien à NXT 2 ou 3, je crois, je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était même le 4. Je l'espère aussi, mais le seul souci que j'ai peur, c'est qu'ils vont pas avoir un énorme impact. Est-ce qu'il y a la place avec... Absolument, il y a quand même 4 équipes. Hein. Il y a le duo de la Wyatt Family, il y a Stardust Goldust, les Usos, il y a Mark Henry et Big Show qui sont temporairement... Ouais, non, mais attends, Mark Henry et Big Show, c'est pas une équipe... Ouais, c'est mais voilà, il y a les... Moi, je te parle de vraies équipes. Pour une vraie équipe, il y a les Usos, voilà, Los Matadores, voilà, qui sont toujours Los champions, on ne sait pas comment. Los Matadores, franchement, on ne les voit pas. Oui, ça, c'est une équipe qui dure depuis un petit moment. Oui, bien sûr qu'il y a de la place pour The Ascension. Toutes les équipes sont passées. Pour avoir du temps d'antenne, hein. Parles bien. S'ils font leur début, au début, forcément, ils auront du temps d'antenne. Après, si ça fonctionne, ils en auront encore plus. Et si ça prend, ils ont des chances de gagner des titres, moi je te le dis. Ruben, tu voulais réagir. Moi, j'ai l'impression, comme ça, pour les voir quasiment pour la première fois, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez loin du main roster. Si demain ils ont un combat contre les Usos, même en dehors du fait que les Usos soient champions par équipe de la WWE. Ça sera pas eux qui mèneront le combat, ça sera les Usos. On leur demande pas de ils seront toujours. Ils sont loin, je trouve. Ils sont hyper loin. Ils sont trop limités. Sur ce qu'ils ont montré, sur le match de ce pay-per-view là. Sur ce match ce pay-per-view là, j'ai l'impression qu'ils sont plus rompus les Lucha que les Ascension au main roster. Quoi. Forcément, j'ai l'impression que demain il y aurait plus d'impact de la part des Mexicains s'ils arrivaient dans le main roster que de... Ah, mais c'est une carrière, il y a des mis dans le main roster déjà, ça compte pas. En fait, le problème, c'est que l'équipe baraquée comme ça, Connor et Victor, c'est pas très original avec la Wyatt Family. Hein. Le fait qu'on ait une seconde équipe dark comme ça, ça marcherait pas, quoi. À moins qu'ils fassent une rivalité entre les deux, groupes, mais... The Ascension, pour que ça fonctionne actuellement dans le main roster... Il faudrait qu'ils soient dans un truc d'entre-deux, en fait, à la moitié face. Parce que si tu voulais voir affronter la Wyatt Family, ce qui serait pas une mauvaise idée en soi, tu peux pas faire tourner face la Wyatt Family. Et on sait très bien que les matchs heel versus heel à la WWE, c'est un truc. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, on va quand même passer au match suivant, même si c'est pas vraiment un match. C'est Baron Corbin qui n'a pas eu d'entrée, qui n'a pas eu intro quoi que ce soit, qui bat CJ Parker en 30 secondes en deux mouvements, voilà, et mis à part un finisher assez impressionnant, pas grand chose à dire sur ce match, hein. Moi j'ai trouvé ça curieux que le gars qui remporte le match soit le gars qui soit pas présenté, ouais, voilà. CJ Parker, bizarre. En fait CJ Parker est déjà dans le roster de NXT, mais c'est vrai que bon, l'autre on le connaissait pas et ça a pas donné envie de beaucoup plus le connaître, hein, même s'il a mis deux grands scandales. Enfin, voilà. À quoi ça a servi surtout ce match? Oh, à rien, faut pas aller chercher plus loin, c'était juste un bouche-trou. C'est un peu la spécialité de NXT, ça, d'avoir des squash matchs. C'était la transition, ouais, voilà, quoi. C'était de l'ordre de la transition. Sans transition, justement, on va passer à Enzo Amore, je le dis très mal, mais c'est pas grave, qui était accompagné de Colin Cassidy, donc c'est le groupe Soft, hein, qui bat Sylvester Lefort, qui était accompagné par Marcus Lewis. C'est une grosse arnaque. Dans un R versus R match, il faut savoir qu'après le match, ce n'est pas Sylvester Lefort qui se fait raser la tête, mais Marcus Lewis qui reçoit une lotion un peu bizarre qui avait déjà été présentée avant. Ouais, voilà, de la colle. Bon, bah voilà. Excuse-moi, j'avais pas suivi vraiment. Du coup, il est retrouvé plus tard dans la soirée par Amore et puis son copain. Sans cheveux ni sourcils. Voilà, donc ça a duré 5 minutes 38. Alors, qu'avez-vous pensé de cette supercherie de ce match, Rubenito? Dans l'absolu, j'aime bien les R versus R match parce que justement il y a un enjeu, même si c'est ou un R versus masque ou un masque versus masque, ben, j'aime bien ce genre de gimmick. Mais bon, là du coup, on est forcément déçu parce que le perdant se fait pas raser la tête, donc c'est forcément décevant. Et outre ça, le match il est on dirait un match très moyen du début des années 90, quoi. Il n'y a rien. Il y a le heel qui mène face au face et qui provoque le public et le face. Il y a un retournement de situation et puis voilà, c'est terminé. Mais j'avais jamais vu Sylvester Lefort en vrai dans un combat. Ben, ça me donne pas envie de le revoir, pour être honnête. Et Enzo Amore, c'est pareil, j'avais jamais vu. Sur ce qu'ils ont montré là, franchement, j'ai été hyper déçu. quand je pense qu'Enzo Amore fait partie des lutteurs préférés de NXT, ouais, ça m'a vraiment déçu. Le match en lui-même, franchement, c'est un match moyen des années 90, quoi. C'est un Snuka contre Barbarian en moins bien, quoi. Gus, moi, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Rubenito. Ne fais pas attention au match qu'a livré le Fort. Tout simplement parce que le Fort, c'est quelqu'un de très athlétique. Il est capable de sortir des 619. Il saute de la troisième corde. C'est quelqu'un de très athlétique. Alors, ne te fixe pas sur ce match-là pour voir un petit peu le Fort en... Faut le voir dans un meilleur match. Tout faut bien se faire un avis. Oui, non, mais sur ce match-là, tu peux pas te faire un avis sur ce match-là. Franchement, ça a duré 5 minutes. Le truc avec le. Oui, mais apparemment, depuis qu'il est. Pardon, excuse-moi. Depuis qu'il est NXT, apparemment, c'est comme ça. C'était son premier match. C'était son premier match le plus long. Franchement, c'était un de ses matchs les plus longs. Ça a été le match le plus long de Lefort parce qu'il a fait que des squash matchs jusqu'à maintenant. Moi, je pense que de ce qu'on a vu là, c'était pas non plus dégueulasse. Assez limité. C'était très limité. Amoury, il fait rien non plus. Les deux font pas grand chose. Oui, c'est vrai. J'ai vu pire, franchement. Que ce match était nul et très chiant. Personnellement, je le pense ça. Je suis vraiment déçu par rapport à la mise en avant des catchers parce qu'ils montrent rien, quoi. Ils montrent rien du tout. Et c'est dommage parce que Silverstar Lefort, c'est quand même un type qui s'est entraîné chez Lance Storm, quand même. Un des gars les plus techniques des années 90. Et je sais qu'il est capable de faire grand chose. Il faut le voir en indie. Il faut plutôt le voir en indie pour voir de quoi il est capable. Mais là, il montre rien. Il montre rien. C'est ça qui m'énerve avec Lefort, c'est qu'ils le font catcher pour rien. Et Enzo Amore, je m'en parlerai pas du tout parce que... C'est une question que j'avais posée déjà il y a un moment. Lefort, avant qu'il aille à WWE, il intervenait sur une radio locale où il disait que ça ne le gênait pas de faire un gimmick un peu typé. Enfin voilà, s'il devait arriver avec un béret et une baguette, ça ne le gênerait pas. Est-ce que vous trouvez quand même que c'est un gimmick qui le bride, Gus? Est-ce que tu trouves justement que ça le bride à toi? Non, pas tellement, parce que justement, je pense qu'avec ce match, malgré tout, le fait qu'il ne parte finalement pas ses cheveux, ça va lui apporter un petit peu de hit. D'ailleurs, en parlant de cheveux, heureusement que Sylvester Lefort n'a pas perdu les siens, parce que mine de rien, ça aurait pu être la fin. Ça aurait pu être la fin, tout simplement. Je ne l'imagine pas sans cheveux, ce type. C'est clair, et moi je trouve que ça le bride quand même, sa gimmick, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien parler anglais, enfin qui a un accent tout à fait potable, hein. C'est pas le mec parce que justement ils veulent jouer sur le fait qu'il soit français, ils veulent jouer et sur le fait qu'il soit francophone. Est-ce qu'il n'y a pas trop de jeux sur les nationalités, justement? C'est la WWE, c'est le gros problème de la WWE, ouais. C'est que je trouve les nationalités, ouais. Je trouve là-dessus. Et ce serait peut-être plus gagnant de le mettre vraiment sur le ring avec ses capacités, quoi. Il peut montrer vraiment plus, je pense. Moi, je pense qu'il peut se débrouiller avec cette gimmick de français. Le seul souci, c'est... Enfin, pour l'instant, il a cette gimmick de français avec un accent... c'est pas un accent à couper au couteau, c'est un accent à couper à la tronçonneuse, je dirais. Mais, c'est cool. Mais je pense qu'il peut se débrouiller avec cette gimmick. Pour l'instant, c'est ça qui me dérange pas trop avec cette gimmick, c'est qu'il n'y a pas de référence au patriotisme, chose que la WWE serait capable de faire avec une gimmick pareille. Donc Ça dépend de l'actualité. Quand il y avait eu ça, c'est quand les Français avaient été contre la guerre en Irak, quand il y avait eu la résistance qui était hyper... qui avait un hit de malade parce qu'ils avaient été à l'encontre des Américains dans la vraie vie, quoi, on va dire. Ouais. Et c'est ça pour joue ça, toujours quoi. Comme ça. Ouais, mais encore là, ça va, parce que là, c'est, en plus, qu'on soit d'accord, la résistance, c'était pas des Français. Non, voilà, en plus. C'était des Canadiens. Ouais. Des Québécois, ouais, voilà. C'était. Tabatnak. Voilà. La suite, donc, on passe d'un match à un intérêt faible, hein, un match à l'intérêt nul. Bull Dempsey qui bat Mojo Rawley en 1 minute 10. Hein. Bon, Mojo Rawley, c'est un peu. Comment dire, la prostituée du coin. C'est lui tout sur le monde dessus, c'est ça? Exactement, voilà. C'est le mec perd à peu près tous ses matchs. Et du coup, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire si ce n'est qu'on ne veut jamais revoir Bull Dempsey de notre vie? Surtout pas voir ces sauts pourris, on dirait qu'ils tombent et qu'ils sautent pas, quoi, du coin. Voilà. Le headbutt le plus mou de tous les temps. Voilà, donc. Pour te dire, il y avait ma femme à côté qui regarde jamais de catch. Elle dit, mais il a pas touché, il a rebondi. Ouais, voilà. C'était très. Et elle me dit, bon, je lui dis, attends, il recommence, il va retenter. Mais elle m'a dit, mais il a rebondi. Donc, on va passer à la suite avec Kenta, qui est présenté par William Regal, donc le general manager de NXT, qui remplace au pied levé un Ric Flair qui était absent, qui était normalement celui qui aurait dû présenter Kenta, et c'est pas lui. Donc, Kenta arrive sur le ring pour dire qu'il est très content d'être là et qu'il change de nom pour Hideo Itami de Morlaix. Donc ça, c'était la vanne qui est venue tout de suite après la venue du nom. Et donc voilà, après Ascension, qui en a eu marre de rester en coulisses sans rien faire, est venu provoquer, l'a balancé sur le côté en réclamant un rematch, mais Kenta ne s'est pas laissé faire, leur a légèrement botté le cul vite fait, hein, avant de les renvoyer à leurs études. Et voilà, bon, bah, c'est les débuts de Hideo Itami, du coup. On parle du nom. Gus, oui, vas-y, tu peux y aller, vas-y. Pour ceux, pour les sceptiques un petit peu qui parlent de nom, ce n'est qu'un nom, on s'en fout. Quand Claudio Castagnoli était devenu Antonio Cesaro, tout le monde avait ri autant que Hideo Itami. Hein, donc c'est pas non plus un drame international. Quoi. C'est... Et peut-être qu'il deviendra juste Itami au bout d'un moment. Hein. J'espère pas. J'espère qu'il deviendra à la limite que Hideo. Non, mais après, c'est pas Yoshitatsu non plus. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Hideo Itami, c'est un peu plus. Apparemment, c'est en hommage à quelqu'un. Mais je pense qu'il voulait pas se faire entre guillemets niquer comme avec CM Punk. C'est tout. C'est pas faux. En gardant le nom Kenta, ça voulait dire que si demain il s'en va, eh ben, ils n'auront pas les droits sur le nom parce qu'ils le portaient avant d'arriver. Mais c'est pas tout, plutôt justement quand ils mettent un nom, ils ont le droit sur ce nom-là. C'est ça. S'il avait appelé Kenta, le jour où il s'en va, ils n'ont plus les droits puisque le nom appartient à lui avant d'être à la WWE. Oui, voilà. Donc c'est juste pour ça qu'ils ont changé le nom, c'est tout. Je suis quand même pressé de le voir en action pour de vrai. Apparemment, ça serait la semaine prochaine contre c'est... Voilà, exactement. Dans les prochaines semaines, donc il y aura plusieurs matchs. Non, mais il y aura des matchs que Hideo Itami est rentré totalement dans le roster NXT. Il va participer au roster NXT. Il tourne dessus. On attend maintenant de voir arriver Kevin Steen et les Prince Zelig. D'ailleurs, bon, ça m'a étonné de ne pas les voir, même si bon, c'est encore leur début. Ils font leur début un peu plus tard. Ouais, voilà. C'était le premier à signer. Sera probablement sur le dernier Special Event de l'année, parce qu'il me semble qu'il y en a 4 par année de Special Event de NXT, et je pense que ce sera pour le prochain. Je n'ai pas la date. Est-ce que si quelqu'un. Parce que la date n'a pas encore été annoncée. Voilà. Donc il y aura un autre Special Event où seront probablement lancés Prince Devitt et puis Kevin Steen. Devitt, qui devrait normalement être renommé Fergal Devitt, son vrai nom. Son vrai nom, oui, voilà. Donc, Et Kevin Steen reste Kevin Steen ? Je ne sais pas. Non. C'est possible que non, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il changeait de nom. Ouais, de toute façon, je crois qu'il a dit sur Twitter qu'il allait changer de nom. De toute façon, voilà, Kevin Steen, bah, tu peux mettre autre chose, pareil. C'est assez générique, hein, donc du coup, tu peux mettre quelque chose d'autre. Après, les gens avaient râlé quand Tyler Black avait changé pour cette Rollins. Ouais, mais franchement. Les gens n'aiment pas le changement, mais voilà. C'est pas grave. On va passer à la suite. Cette fois-ci, on va bien rentrer dans un match féminin, le seul de la soirée, entre Charlotte et Bayley, qui a duré 10 minutes 44 avec la victoire de Charlotte. Elle qui garde donc son. Voilà. Qui garde donc son titre de championne NXT. Thibaut, qui n'a pas encore commencé, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Que Charlotte a tout fait. Personnellement, c'est un peu la vision que j'ai de ce match, c'est que Charlotte a tout fait. Bayley, je l'ai pas forcément vu active dans le match. J'ai plus l'impression que c'était en fait un terrain de jeu pour Charlotte. Et elle a enchaîné avec ses figure four necklock. Elle a même envoyé balader de je ne sais quelle façon, avec des roulades, ouais, voilà. Rubénito. Ouais, je suis assez d'accord, c'était une balade de santé de Charlotte. Pour le coup, là, c'était plus stiff que tous les matchs de garçons jusqu'à maintenant. Donc j'ai bien aimé. Et ouais, ce que j'ai pas aimé, c'est que la seule façon de revenir de Bayley, les tentatives, c'était que des roll-ups, ça m'a pas plu du tout. Il y avait rien, quoi. Il y avait un roll-up ou un coup, et puis elle se faisait reprendre le dessus. On aurait dit le viol de Lesnar sur Cena. Et ouais, ça m'a pas trop plu, quoi. Mais après, ouais, Charlotte, elle a l'air assez technique et assez puissante quand même, comme Nana. Elle pourra avoir sa place, par contre, rapidement dans le main roster, pour moi. Mais elle va avoir sa place dans le main roster, hein, si ça continue. Papa, il lui tient au chaud. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Pour Charlotte ? Parce que... Non, il n'y a pas besoin maintenant, mais elle pourrait avoir sa place demain. Quoi. Voilà, oui. Parce que c'est NXT, après, ils sont là. Par contre, Bayley, vous semblez totalement catégorique, c'est pas votre truc, Bayley. La coupe de cheveux, déjà, non. Gus. Le personnage à part entière, mais les. Ouais, les couleurs et tout, non, ça va pas. C'est un peu une Emabis. Ouais, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Ouais, moi, elle m'a fait penser un petit peu à une Mickey James à ses débuts, beaucoup moins talentueuse que je vois. Ah oui, super fan de Paige quand elle est arrivée, un petit peu comme était Mickey avec. Comment elle s'appelle déjà? Avec Trish Stratus. Avec Trish Stratus, ouais. Ouais. Moi, je suis assez d'accord en général. Par contre, bah voilà quoi. C'est quand tu sors de. Quand le dernier match féminin que tu as vu à NXT, c'est celui de NXT TakeOver, premier du nom, et que du coup c'était Charlotte contre Natalia, et que tu arrives devant Charlotte contre Bayley, c'est un peu décevant. Ouais, ça descend de gamme quoi. C'est, on sent ça, et je pense qu'il y aura peut-être mieux dans le roster futur. Ouais, Charlotte encore a du talent. Ouais, donc c'est déjà bien. En fait, ce qui était bien, c'est que Charlotte a beaucoup progressé depuis qu'elle est arrivée à NXT. Parce qu'au début, c'était pas exceptionnel non plus. Enfin, c'était pas ça. Mais apparemment, maintenant, elle a un peu plus une carrure de. Comment elle dire Une vraie carrière de championne, quoi. Elle a une carrière de championne et surtout quelqu'un qui peut gérer dans le ring. C'est-à-dire oui. qui peut avoir vraiment cette capacité à diriger un match. C'est déjà mieux. Et. C'est ce que je me suis dit, ouais. J'ai vu 3-4 matchs. C'était le carry job, ouais. Est-ce que. J'ai vu 3-4 matchs de Charlotte sur le mois, c'était vraiment. Vraiment bon, quoi. Pour moi, elle devrait arriver dans le main roster en début d'année prochaine ou même en fin de l'année. Est-ce que, à votre avis, la WWE réussira un jour à former une vraie division féminine? Bah, avec des nanas comme Charlotte, peut-être mais, que ça peut mais être possible. Mais est-ce qu'ils donneront un jour le temps qu'ils ont donné là à Charlotte et Bayley, c'est-à-dire 10 minutes 44, à des filles dans le main roster? Oui, mais c'est pas Stephanie McMahon contre Brie Bella, c'est pas pareil. Non, mais le Paige AJ, là, bon, au dernier pay-per-view, non, mais celui minutes. D'avant, ils avaient eu du temps. Non. Ils avaient eu 3 minutes et 4. Ils avaient eu 5 minutes, pas plus. Allez, 5 minutes. Franchement, le dernier match qui dure plus de 10 minutes des Divas à WWE, le match le plus long des Divas, le dernier, ça doit être AJ Lee contre Caitlyn. Franchement, je pense c'est que. C'est pas si vieux. Ça date d'un an et demi et je pense que ça durait pas 10 minutes non plus. Hein. Je pense qu'il y avait 8, 9 minutes. Moi, je pense que c'est pas un choix délibéré de la WWE. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. J'ai souvenir d'un match de Diva l'année dernière qui avait duré 11 minutes, je crois. Donc. Mais là, sur 2 heures, ils arrivent à caler un match de 10 minutes 44 pour les Divas, enfin pour les femmes, parce que ici c'est femmes et pas Divas, hein, la mention. Alors que dans un pay-per-view de 3 heures, ils n'arrivent pas à écarter un petit peu les autres matchs pour leur donner plus de 10 minutes. C'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est là, c'est bon. Allez, il y a eu Stephanie McMahon contre Brie Bella, quoi, mais c'est pas vraiment. Parce que l'intérêt des spectateurs, voilà, c'est. Enfin, tout est vu pour l'intérêt du spectateur. Si les spectateurs ils s'attendent, enfin ils veulent pas voir 15 minutes, ben ils ont pas 15 minutes. Je oui, pense qu'ils, mais je pense qu'ils doivent l'étudier tout ça. Il faut leur donner un moment. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, c'est s'il y a de la qualité sur le ring, à un moment faut le montrer aux spectateurs pour qu'ils aient un peu d'engouement. Faut le montrer mais parce qui, que c'est mais qui sûr a de la qualité là dans le main roster à part Natalia et Edge et Paige. Ben pas grand monde, mais justement le problème là, c'est que quand c'est tu l'as vachement amélioré depuis qu'elle est revenue, hein. Ouais. Quand tu regardes la Brie Bella d'aujourd'hui, la Brie Bella d'avant son départ, son premier départ, il n'y a rien c'est à voir correct. Il n'y a rien à voir. Grand défenseur des Bella qui parle. Non mais c'est même pas d'être un défenseur des Bella, elle c'est a, que elle Bella, que elle, Brie, a... elle est ouais ah, c'est vachement bon amélioré pour Brie. Ça sentait le fromage, mais là c'est quand même mieux. Putain. Je propose une minute de silence ou je passe à la suite tout de suite. Bon, tu passes à la suite de suite qu'on oublie ça. Quoi. Voilà. On va donc passer au main event qui était donc un match entre Adrian Neville. Duré, ouais. Je sais pas. Hein? Je sais pas combien de temps il a duré ce match. Entre qui et qui? Bah, le main event. Ah bah je vais te le dire, 2 minutes. Oh là là. Impatient. Qu'est-ce qu'il est impatient ce Gus. Alors c'était un match entre Adrian Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd, donc un Fatal 4-Way, qui s'est terminé en 24 minutes 7 secondes avec une victoire du champion Adrian Neville après avoir retiré l'arbitre de Zayn et après avoir un peu volé le tombé. Un petit heel turn. Ouais, pas un heel turn, mais pas tout de suite en tout cas. Un début de heel turn. On va dire que c'est un geste heel. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Gus, tiens, comme ça il va pas râler. Ah, très bon match, hein. C'est le motif de NXT de l'année, tout simplement. Ce que fait, ce qu'a montré Sami Zayn, bon, on connaît le talent de Sami Zayn, El Generico, bien sûr, mais ce qu'il fait dans le match, c'est juste exceptionnel, c'est excellent. Adrian Neville, pareil. Il y a Tyson Kidd, on sait que c'est un grand talent aussi. Alors, il y a Tyler Breeze, que, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Tyler Breeze, c'est un... Oh, il est c'est bon. Un... Je l'aime il pas. Est bon. Je ne l'aime pas. Tyler Breeze, en fait, son personnage, si vous regardez bien, c'est un petit peu la gueule de Dolph Ziggler mixée sur le style vestimentaire de John Morrison. C'est pas faux. C'est pas faux aussi. Avec des Roland de The Miz, quoi. Avec ouais, des Roland de The Miz un petit peu ça, sur la gueule. Je le trouve plutôt bien. Moi, je l'aime pas. Je me fais chier à chaque fois, généralement, quand je regarde des matchs de Tyler Breeze. Je le trouve bien marqué dans l'époque, moi, par contre. Parce que l'entrée avec le selfie, tout ça, je trouve que tout ce qui a été fait autour de lui est assez intéressant pour le distinguer de Dolph Ziggler. Même si, bon, enfin voilà, quoi. On va toujours faire, ouais, faire mais un peu gimmick, le rapprochement. Une gimmick comme ça pour NXT, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Mais dans le main roster, ça marchera jamais, ça. Ah ben, ouais, une gimmick comme ça à Raw ou à SmackDown. Ben, écoute, ça fait Cody Rhodes. Hein. Cody Rhodes, quand il a eu l'époque Dashing, c'était ouais, là, attends, où, il se regardait, où il se regardait sur le Titan 3, ouais, attends, où on touchait pas son visage. Dashing, ça marchait très bien. Dashing Cody Rhodes, ça a duré 4 mois. Après, il est devenu un-Dashing. Quand il est devenu, ouais, mais bon. Dashing, c'est devenu c'est, je pense que c'est ça le souci avec le main roster de la WWE, c'est que c'est du recyclage. Alors, le fait d'avoir un Tyler Breeze dans le main roster, c'est je pense que ça va faire du déjà vu, quoi. C'est ça le truc, c'est, ah, mais, ça va être ça, ça souci. Mais toutes les gimmicks depuis le début de la WWE ont été au moins reprises une fois. Hein. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien d'original. Daniel Bryan, déjà, c'était une sorte de Stone Cold Steve Austin, un peu adapté à l'époque, mais c'est sûr que c'est un peu ça. La gimmick de Bray Wyatt, oh, ça doit exister. Hein. Un mètre de gourou. Comment il s'appelait, Brandon Windham, c'est pas ça? Non. Oh, un truc comme ça. Je pourrais pas te le dire. Percy Watson. Mais c'est avec plus ou moins de succès. Regardez sur internet une promo de Percy Watson, c'est Bray Wyatt, copié-collé. Eh ben, Percy Watson, t'es sûr qu'on parle du même? Parce que le mec avec les grosses lunettes comme ça. Et la chemise à fleurs. Oui, non. Le même. Pas vraiment. Pas de ce que je me souviens. Pas Percy. Oui, non. Percy Watson, c'est un black avec des lunettes. Ouais. Non, c'est pas Percy Watson. C'est un film. Voilà. Merde, non, Percy Watson, c'est un catcheur très nul aussi. Un catcheur très nul, mais trop sexuel avec des lunettes. Hein. Exactement, c'est à peu près ça. Non, excusez-moi, c'était pas ça du tout. Mais à mon avis, ça a dû exister. Quoi. Si on peut comparer à TNA, je pense que Abyss, ça se compare un peu à Bray Wyatt, même si c'est plus hardcore. Un Mankind, tout de suite. Hein. Mankind, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas. Non, ça, mais... C'est... Bon, on va dire sans l'aspect secte. Sans l'aspect secte. Voilà. On peut dire que Tyler Breeze c'est un ravishing Rick Rude de notre temps, quoi. C'est ça le truc. On revient au match. Et... Modèle Rick. Ouais, on revient au match. Ouais, voilà. Au match. Qu'est-ce qui veut parler du match? Je te sens bien. Moi, j'aimerais bien. Benito, allez, vas-y. Chaud. Enfin, un match dans la soirée qui m'a emballé. Enfin. Heureusement, c'est le main event. Donc, c'est une bonne pub pour moi pour NXT. Enfin, ils auraient fait le pay-per-view juste avec ce match-là, qui aurait duré une heure, ça aurait été parfait. Non, j'exagère un peu, mais voilà. Et du coup, ouais, Sami Zayn fait tout. Pour moi, c'est le MVP de la soirée, MVP du match, voilà, MVP de la saison presque pour NXT. Et c'est impressionnant, quoi. Il fait tout, il fait 100% du travail pour tout le monde. Il prend les coups quand il y a des trucs. Enfin, quand il y a des coups à prendre, c'est lui qui les prend. Quand il y a le match à gérer, quand les autres adversaires sont dehors pour récupérer un peu, ben c'est lui qui gère le temps. Quand il faut accélérer, c'est lui qui accélère. Quand il faut ralentir, c'est lui qui ralentit. On voit vraiment l'expérience par rapport aux trois autres. Et enfin, pourtant, Tyson Kidd a l'expérience. Pour moi, si je devais faire un classement sur ce match-là des quatre meilleurs, je mettrais en 1 donc Zayn, en 2 Kidd parce que je trouve qu'il a été quand même archi présent, il a eu des bonnes prises et tout. En 3, Neville et en 4, Breeze. C'est vrai que sur le match, il n'a pas été très important. Quoi. Et ouais, après, il y a plein de petites originalités. Bon, après, c'est comme dans tous les Fatal 4-Way, ils ont tous leur petit moment où ils placent leur trade move. Donc ça, c'est la marque de la WWE. Et après, ouais, le finish est pas mal avec Neville qui enlève l'arbitre, donc qui commence peut-être un heel turn. Et Zayn qui est un peu surpris, bon après il se fait avoir un peu facilement, mais bon. Non, ouais, franchement, c'était un très très très très bon match qui aurait eu largement sa place dans n'importe quel pay-per-view de la WWE, quoi, pour moi. Thibaut. Je suis tout à fait d'accord avec Benito. Le seul truc, c'est que je pense qu'en fait, c'est un bon match, mais qui a beaucoup de botch quand même. J'ai vu pas mal de prises qui m'ont déçu. Plus exactement, je m'en souviens, un Sasuke Special de la part de Neville sur Zayn, et qui était censé le transformer en Blue Thunder Bomb, mais qui est passé par-dessus Zayn et que résultat, ça n'a pas marché, quoi. Et c'est ce genre de petits détails en fait qui me dérange et du coup c'est dommage parce que c'est un bon match mais qui a pas mal de défauts quoi. Bon après ça arrive hein, qu'il y a un peu de manque de liant, c'est pas très très grave non plus. Personnellement moi j'ai beaucoup aimé ce match, je suis un peu moins d'accord sur le fait que ce soit un moti. J'ai dit c'est le moti de NXT. Pardon, excuse-moi, j'avais entendu moti tout court. Je pense qu'il a ses défauts quoi et puis il a assez formaté mis à part cette quadruple powerbomb assez sympathique enfin de la powerbomb à 4 elle est assez monstrueuse. Power suplex bomb. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Sinon, alors du coup, Adrien Neville est vers un heel turn. Oui. Je pense. Ouais. Oui. Clairement. Ça sent un peu, le heel turn à la CM Punk contre Jeff Hardy, quoi. C'est ouais, copain, mais pas vraiment. Recyclage. Voilà. Ouais, c'est mais ça. Non, mais clairement, ça sent le heel turn, mais clairement que pour le prochain event de NXT. On aura le droit à Sami Zayn contre Adrien Neville pour le titre, et ça sera énorme. Et justement, est-ce que, parce qu'on avait déjà noté ça, il me semble, avant, est-ce que c'est dû au physique de Adrien Neville qui pourra jamais vraiment être top face? Est-ce que le fait de le tenter en heel, c'est plutôt une bonne idée quoi, oui, c'est une bonne idée, puisqu'il n'a pas non plus fait de gentil. Hein. Voilà, est-ce que ce serait pas plutôt la meilleure idée qu'ils aient eue pour ce champion-là quoi? Faut voir ce qu'il est capable en heel, quoi, c'est ça le truc. Pour moi, ça peut marcher. Hein. Moi, je suis pas sûr que son catch, sa manière de catcher, soit compatible avec le fait d'être heel. Parce que quand c'est on est high flyer, c'est dur d'être heel. C'est vrai. C'est pas. Parce qu'on doit prendre son temps, on doit tenter le public, l'adversaire. Donc, quand la technique elle est basée à 80% sur la vitesse, c'est dur d'être heel. Après, il peut. Il y en a qui arrivent. Hein. Parce que être heel, c'est forcément être lent, quoi. C'est ça le truc. C'est prendre son temps. Ouais, mais le truc, c'est qu'avec un gars comme Adrien Neville, c'est pas possible voilà. De prendre son temps, quoi. Je pense qu'il y a moyen de justement. Après, CM Punk ralentissait pas ses matchs. Quand ouais, voilà. C'était voilà. Au contraire, c'était quelqu'un qui était vraiment très très sur la vitesse, quitte à massacrer, à faire quelques tabassages entre deux. Si on doit prendre Brian, il ralentissait pas ses matchs. Non plus. Je pense qu'il y a moyen aussi que ça marche. Ouais. Mais si on doit prendre un exemple d'un high flyer heel, moi j'en ai pas comme ça en tête. Jeff Hardy à une époque, non? Ouf, oh là là. Ouais, mais Jeff Hardy c'est un autre niveau quoi. Ça a dû être une anecdote hein, mais. Jeff Hardy en heel, c'est assez rare. Bon, Jeff Hardy était plus heel que face. Hein. Ouais, mais Jeff Hardy c'est un autre heel parce que lui c'est aussi un type qui a été bridé par la WWE et Adrien Neville c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent quand tu le vois en indie, c'est vraiment quelqu'un qui a pas forcément le style WWE et du coup tu vois qu'il est capable de quelque chose alors que Jeff Hardy tu sais que c'est bridé quoi, tu sais que c'est bridé. Après moi il y a un truc qui m'a frappé sur ce pay-per-view, si on peut faire un peu une analyse de manière globale, c'est que sur tous les talents que j'ai vus du premier au dernier match, j'en vois aucun qui peut arriver aujourd'hui à avoir un impact dans le main roster. Aucun. Il n'y a pas de Dean Ambrose, de Seth Rollins, de Roman Reigns. Pour moi, il n'y en a pas. Après, peut-être que je me trompe. Mais là, comme ça, à ce que j'ai vu, il n'y en a pas. Quoi. Tu te trompes. Sami Zayn est prêt, je pense. Comme Sami Zayn, c'est pas pareil. C'est pas ça va être un Daniel Bryan. C'est pas pareil. Enfin, tu ne me dis pas que tu en vois aucun, de ce que tu as vu ce soir. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Quand je parle d'impact, c'est d'impact direct. Sami Zayn, si demain il arrive dans le main roster, il commencera avec une petite rivalité où il demandera du respect pour son catch, etc. Peut-être contre Cesaro, éventuellement. Et il montera petit à petit, mais il aura pas, il sera pas directement dans le mid card ou dans le up card quoi. Ouais, mais il y en a aucun là aujourd'hui qui a sa place dans le up card de Zayn. Non, avec le nouveau, avec le penche, enfin avec le nouveau virage pris par la WWE en embauchant toutes ces superstars de l'Indie. Quand ils sont venus à Raw, il y avait déjà des olé olé olé olé. Enfin bref, il est connu, tout le monde le sait, c'est le générico. Enfin, non, mais ouais, bien sûr, sa popularité, c'est sûr qu'il va en avoir. Il y aura déjà une base, c'est forcément. Daniel Bryan, avant d'avoir sa barbe et d'être hyper populaire, il avait déjà des gens qui le connaissaient parce que c'était une légende de l'indie. Enfin, une légende, en tout cas, une superstar. Tu peux dire légende, je pense. Ouais, voilà. Donc moi qui le connaissais, enfin, qui n'avais jamais vu un match, je connaissais son nom, parce que je suivais un petit peu moins à l'époque où il est arrivé. Je reprenais le catch, quoi, on va dire. Et du coup, ouais, je le connaissais alors que je suivais plus du tout. J'avais plus vu un match depuis peut-être 5 ans. Et je connaissais quand même ce mec-là. Voilà, après, ouais, Sami Zayn, c'est pareil. Je suis pas un fan d'indie, je regarde quasiment jamais, mais je le connaissais. Donc, c'est pas ça, c'est pas la popularité qui fait qu'il aurait un impact sur le. Voilà. Ça va être surtout les bookers en backstage qui vont avoir le pouvoir sur sa popularité ou quoi. Il va être forcément populaire, mais ça sera une histoire à la Bryan. Ça lui de jouer parce qu'il aura tellement de fans, ce gars-là, il aura tellement de fans que je pense que le merchandising autour de lui peut fonctionner. Et je trouve qu'il faudrait aussi des segments un peu plus marqué, genre mix skill, tout ça, ouais, ce serait pas mal qu'on voit un petit peu ce qu'il donne au niveau du mix skill. Je pense que ce sera un peu plus développé quand il sera régulièrement dans le main roster. C'est sûr qu'en suivant NXT un peu de loin, on voit pas trop de quoi il est capable. Je pense qu'on. Je pense qu'on loupe un peu. Il y a déjà quelque chose d'intéressant au mic. Je vous propose de passer aux notes. Je voudrais rebondir simplement un truc, c'est que je pense qu'en fait les catcheurs de la NXT qui ont un talent justement comme Zayn ou Adrian Neville, eh ben ils peuvent finir comme un bon Bryan ou comme un Loki à la WWE quand il s'appelait Caval, où il était bon mais il n'était pas mis en avant. Caval, son problème c'est qu'il n'avait pas de charisme. Ben, en fait, le et puis il y a eu d'autres choses. Bref, on va passer aux notes. Est-ce que quelqu'un a la calculatrice autour de lui? Non, mais ça peut s'arranger en fait, c'est bon, si tu passes un petit peu. Parce que, portable. Ça y est, je l'ai sur moi, c'est bon. Donc Gus, je compte sur toi. Attends, c'est bon, tu peux y aller, monsieur. Votre note sur 10 sur ce special event, Rubenito. Alors moi, je vais être très dur, je vais mettre 5,5. Je mets à peu près 0 pour tous les matchs et 5,5. Enfin, je mets 5 points pour le main event et 0,5 pour le reste des matchs. Voilà. Thibaut. Moi, je vais être encore plus dur. Je vais mettre 5 parce que moi, par contre, je ne mets pas 0 pour les autres matchs. Je mets quand même un petit 2 pour le match Charlotte Bailey parce que quand même, Charlotte, elle a fait un boulot qui est quand même pas mal et que je suis vraiment satisfait. Mais... Et ensuite, je mettrai un 1 pour le match des Luchadors contre... On va pas faire match par match, non, je pense pas. Et un 2 pour le Fatal 4, ouais, parce qu'après, le reste, c'est vraiment de la merde, mais... Ouais, mais voilà, c'est bon. Je reste à ces notes-là. Voilà, un 5. 5. 5 et 5,5. Moi, je vais mettre un 5 aussi, parce que mis à part le main event, j'ai pas été vraiment emballé par un match en particulier et je le trouve vraiment en dessous de TakeOver au premier du nom, avec un peu moins on va dire de hype sur le show en général et un peu moins d'ambiance. Gus, ta note? Ma note elle sera beaucoup plus élevée que la vôtre, je remarque, puisque ça sera 7, parce que c'est quand même NXT, ce qu'on a vu, c'est pas non plus hyper dégueulasse dans le ring. La team Kalisto, Sin Cara, ça peut promettre. La team Ascension aussi, on le sait. Après le reste, forcément, le match pour le titre Women's Champions était correct. Charlotte est impressionnante. Enfin, son niveau depuis ses débuts est devenu assez impressionnant. Et donc, du coup, c'est pas non plus... Le pire show de l'année. Je vous ai trouvé un petit peu sévère, étant donné quand même qu'il ne faut pas oublier que Ce sont quasiment tous des jeunes qui sont dans ce roster-là. Donc, avec un petit peu plus d'expérience, dans quelques années, si on se retrouve dans un... Ils sont quand même là depuis un moment à NXT. Hein. Je pense que là... Ils sont pas tout jeunes Ils sont jeunes. Ouais, ils sont pas tout jeunes. Tu m'excuseras, mais Sami Zayn, Adrian Neville, Breeze, Kid traînent là depuis quand même pas mal de mois. Surtout Kid. Charlotte, maintenant, elle commence à un peu avoir... on a vu que c'était le cas. Lucha Dragons, Kalisto, il est là depuis un moment. Sin Cara, on n'en parle pas. Ascension sont là depuis à peu près le début de NXT. Il y a juste le match à Amore Lefort en match un peu plus long où là c'est vraiment deux rookies. Où c'est deux mecs qui n'ont jamais fait un match un peu plus long que 5 minutes. Enfin voilà, c'est mon avis. Je suis assez d'accord. La prochaine fois, tu me coupes pas quand je donne mon avis. Hein. Non, mais c'était juste pour dire, pour mettre tout de suite l'opposition. Non, mais. Continue maintenant. Non, mais c'est bon, j'ai plus envie. donc, la moyenne générale est de 5,6 d'après Robinson. Exactement, donc 5,6 sur 10. De tête. Hein. Voilà, donc c'est pas énorme, mais ça va. Hein. C'est quand même correct. On va dire que ça va au moins pour le main event, je pense. Voilà. On va dire ça. Alors, on va vous dire aussi, n'oubliez pas de suivre Wrestles Radio sur Twitter. Sur YouTube en ce moment. Attends, on va y arriver. Il y a la page Facebook Wrestles Radio. Sur Twitter, c'est @WrestlesRadio, sans tirer, sans rien. Enfin bref, c'est Wrestles Radio tout uni. Il y a le compte YouTube Wrestles Radio sur lequel vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast. Abonnez-vous parce que on a besoin de une fois arrivé à 100, on va pouvoir faire des lives concernant la Late Night Wrestles, donc je vais reparler après. Et on a aussi sur iTunes, Wrestles Radio est toujours là. Il y a sur archive.org. On va remercier les partenaires FL Lutte qui est toujours là, Vox Catch, vous pouvez retrouver la review de Vincent sur NXT TakeOver 2, le forum PS3 sur WWE 2K14 qui a passé à WWE 2K15 vers fin octobre début novembre, donc c'est la Wrestling Evolution League, le forum Cage Asylum et la Radio Révolte. Nous concernant, on va se retrouver la prochaine fois pour Late Night Wrestles pour Night of Champions avec le fameux match retour Lesnar-Cena. On va voir ce que ça va donner. Et donc, on se retrouve le jeudi après le pay-per-view, donc le 25 septembre, en live à 20h45. Alors, ce sera sur Voxcatch. Hein, on vous rediffusera les liens. Ce sera aussi sur Twitch ou peut-être YouTube, hein, si vous avez été assez à vous abonner à YouTube. Mais probablement sur Twitch quand même. Enfin bref, on verra. Vous aurez toutes les infos en temps voulu. D'ici là, le 25 septembre, vous encadrez cette date à 20h45. Ce sera le live sur Night of Champions. Je vous remercie, messieurs, d'être venus. C'était très sympa. Plaisir. Voilà. Mais le plaisir est partagé. On se retrouve donc. Magnifique. On se retrouve une prochaine fois. Et ben d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et mettez des capotes. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.